Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au micro, et vous êtes sans doute en train de penser à votre souper. Qu'allez-vous manger? Et en fait, êtes-vous certain de ce que vous allez mettre dans votre assiette? Car la fraude alimentaire pourrait bien faire partie de votre menu. Alors, pour y voir plus clair dans la fraude alimentaire, j'ai invité Virginie Barrère, qui est professionnelle de recherche en analyse des risques et politiques réglementaires des aliments, à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, à l'Université Laval. Bonjour Virginie. Bonjour Valérie. Alors Virginie, fraude alimentaire, c'est un bien grand mot. Alors en fait, qu'est-ce qu'on entend par là? Et puis aussi, est-ce qu'il faut en avoir peur? Donc la fraude alimentaire, il n'y a pas vraiment une définition qui est reconnue internationalement, mais c'est toujours commun, il y a toujours quatre piliers communs dans toutes les définitions de la fraude alimentaire. La première chose, c'est que c'est un fait qui est intentionnel. La personne va vouloir ajouter quelque chose dans le produit. Pourquoi il ajoute quelque chose dans ce produit? Pour se faire un gain économique. Faire la différence avec la fraude alimentaire et la food defense, où là, on va ajouter quelque chose dans le produit pour faire du mal. La faute quoi? La food defense. La défense alimentaire, il n'y a pas vraiment de traduction. C'est food defense en anglais, okay. C'est la défense alimentaire. C'est on va se prémunir des actions terroristes. Okay. Donc là, on va vouloir mettre quelque chose dans un produit pour faire du mal. Là, en l'occurrence, pour okay. La fraude, c'est pour faire de l'argent. Et le but, c'est de rester caché, de rester indétectable pour le consommateur. Mmh. Et est-ce qu'il faut en avoir peur? Je dirais que ça dépend pas mal de l'endroit où on vit. Je me dis quand même qu'au Canada, on a un système de surveillance et d'inspection qui est assez robuste. Bon, on va voir quand même les différents types de fraudes alimentaires, parce qu'il y a ces fraudeurs, ils ont différents moyens de frauder pour s'enrichir et tout en restant inaperçus. Quels sont leurs moyens? Alors, ils ont d'abord une imagination qui n'en finit pas. Il y a plusieurs façons de frauder. Donc, on a classé ces différents types de fraudes. Donc, le plus connu, c'est le fait de diluer un produit. Donc, un cas assez classique. Le miel, je vais prendre du miel et je vais ajouter du sirop de glucose dedans. Ah oui. Ça a la même consistance. Donc, on va pouvoir diluer le miel. Le sirop de glucose coûte beaucoup moins cher que le miel. Ouais. Donc, je vais pouvoir vendre un kilo de miel dans lequel j'ai mis, par exemple, 500 grammes de sirop de glucose. Donc, ça va me revenir beaucoup moins cher et je vais me faire beaucoup d'argent. Ah ouais. Y a aussi la substitution où on va vendre du tilapia en disant que c'est de la morue. Mm-hmm. Donc, au prix du kilo, le tilapia est beaucoup moins cher que la morue. Ça, c'est une fraude qui arrive assez souvent dans les restos de sushi. Il y a beaucoup de publications qui sortent là-dessus. Oui. Où apparemment, on serait pas mal fraudé par rapport au type de poisson qu'on mange. Ensuite, le mensonge sur l'étiquette. Donc là, c'est... Je vends une bouteille de ketchup, je dis qu'il y a 50 grammes, mais en fait, il y en a 48. Ah. C'est pas très grave. On se dit au début, c'est pas très très grave, 2 grammes. Mais une industrie agroalimentaire qui vend des millions de bouteilles. Oui, 2 grammes se multiplie par des millions, ça fait quelques dollars. Ça fait quelques dollars, en effet. Donc là, c'est un mensonge sur le volume ou sur le poids. Ouais. Donc ça a un impact sur le portefeuille du consommateur, mais pas sur sa santé. Oui. Ensuite, on a l'amélioration. Alors là, cette fois-ci, on a beaucoup de cas, par contre, de danger pour la santé du consommateur. On a un produit qui n'est pas vendable. Puis on va lui mettre quelque chose qui va booster, qui va le rendre beau. Il n'est pas vendable à cause de quoi? Des fois parce qu'il est périmé. Ah. Donc il a une mauvaise allure. Donc on va mettre des produits chimiques dedans pour qu'il ait une meilleure allure. Ah. Donc par exemple, c'est arrivé à Interpol de trouver un hangar en Europe où ils avaient récupéré du thon qui était vraiment en mauvais état, qui était destiné à aller dans des cannes. Et ils leur mettaient un produit chimique qui rendait le thon rose comme s'il venait à peine d'être pêché. Évidemment, ils écrivaient sur le thon qui venait d'être pêché. Oui. Donc ça, c'est de l'amélioration. On utilise aussi l'amélioration quand on va diluer un produit. Si par exemple, je vais diluer du lait, je vais mettre de l'eau dedans. Mais quand on va diluer du lait, on va le rendre beaucoup plus aqueux. Donc on va rajouter de la farine, on va diluer les protéines, donc on va rajouter des protéines ou du sirop de glucose ou de l'huile pour rendre le lait à nouveau... normal ou qui va rentrer dans les critères de qualité qu'on connaît. Les fausses allégations. Bio, pas bio. Oui. Honnêtement, la prochaine fois qu'on va en épicerie, on se met devant le stand de produits bio, puis on regarde les produits pas bio, puis est-ce qu'on est capable de faire la différence entre les deux? Vraiment. Ouais. Entre une pomme bio et une pomme pas bio, là, c'est tellement facile. Mais il n'y a pas un logo de certification? Il y a des logos de certification. Il y a des logos de certification, mais... On a vu dans des études que les consommateurs ne faisaient pas vraiment confiance à ces logos-là, qui coûtent en plus très très cher pour l'industrie. Et c'est des logos qui sont très faciles à copier. pour donc qui serait facilement utilisable par un fraudeur. Donc je pense quand même qu'au Canada c'est très réglementé et très inspecté. Mais c'est une fraude qui existe, parce que c'est facile, sans OGM, avec OGM, ou alors très classique, fait au Québec ou du Canada. Alors là, par contre, il y a des cas au Canada où on a clairement importé des produits, puis on leur a collé dessus, fait au Québec. Allez faire la différence entre un poivron mexicain puis un poivron québécois. C'est pas écrit dessus. Et il y a aussi la contrefaçon, donc du parmesan parmigiano. Parmesan parmigiano se fait uniquement en Italie. Mais récemment, il y a des parmesans parmigiano qui se font aux États-Unis, qui se font dans d'autres pays que l'Italie. Et d'ailleurs, l'Italie lance des actions en ce moment pour dire « Là, les gars, c'est nous qui faisons le parmesan parmigiano. Tous les autres, ce sont des contrefaçons. » Et la dernière, la vente hors norme. J'ai un produit qui est périmé, mais je vais juste changer la date de péremption. Ah oui? Oui, ça se fait. Ça se fait vraiment beaucoup. Puis en plus, les industries agroalimentaires ne savent pas forcément qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Parce qu'ils se disent, ben, le produit est encore correct, il a encore belle allure, fait que je vais juste changer un petit peu la date de péremption. Ça arrive aussi. Ouais. Donc, dans toutes ces. On voit effectivement qu'il y a plein de façons, puis que les industriels ont l'air d'être très ingénieux, très imaginatifs. Donc, il y en a qui vont avoir éventuellement un impact sur la santé, mais d'autres, en fait, c'est juste un impact sur le porte-monnaie, parce qu'on va nous avoir vendu un peu moins de produits que ce qui était écrit sur l'étiquette. Ou alors parce que le produit devrait être bio, puis ne l'est pas, mais ce n'est pas dramatique pour la santé non plus. D'accord. Non. Donc, maintenant, pour y mettre un petit peu de concret, est-ce qu'il y a des cas de fraude qui ont eu lieu au Québec, au Canada, par exemple? On a malheureusement des cas de fraude au Québec et au Canada, en tout cas ceux qu'on a trouvés, hein, parce qu'on n'est pas au courant de l'importance de la fraude au Québec. Il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, mais il y en a qu'on a réussi à passer en procès. Donc, quelques cas. Un cas en 2013 où un inspecteur venait... c'était en Ontario que ça s'est passé. Il venait inspecter une entreprise qui récupérait des poivrons venus du Mexique et l'entreprise les redistribuait. Et il a vu la personne prendre le cajot et mettre dessus du Canada. Donc là, il a été pris sur le fait que ça ait passé en procès. Puis juste, un truc important, c'est que la personne a dû payer 6 900 $ d'amende. C'est tellement peu. C'est pas tellement. C'est rien. Ouais. C'est vraiment rien. Donc ça, c'était en 2013. Ouais. Donc, suite à tous les scandales de fraude qui ont eu lieu, l'Agence d'inspection des aliments au Canada s'est dit, OK, si on veut que les gens ne fraudent pas, on va les en dissuader, fait qu'on va augmenter nos amendes. Donc, la même fraude qui a eu lieu en 2018, cette fois-ci, c'était des personnes qui revendaient des légumes en disant qu'ils étaient du Canada alors qu'ils n'étaient pas du Canada. Et là, cette fois, ils ont payé 210 000 $. Ah, c'est un peu plus conséquent. C'est tout de suite. C'est dissuasif, beaucoup plus dissuasif. Puis c'est comme ça, c'est en faisant ces actions-là que l'agence des inspections va désencourager les personnes à frauder. D'autres cas, cette fois au Québec, de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin qui avait été diluée avec des autres huiles beaucoup moins chères. Mm-hmm. Ça s'est passé en procès aussi. Du faux fromage cachère qui était vendu dans un groupe d'écoliers juifs, donc pour qui c'était essentiel que ce soit cachère, donc ça les avait estampillés cachère alors que ça ne l'était pas du tout. Est-ce qu'ils l'ont appris? Parce que là, c'est gênant, c'est ça pour eux, c'est quand même gênant. Oui, vraiment. Là, cette fois, l'amende, c'était 25 000 $, fait que c'était un peu mieux, mais bon, ça aurait pu être quand même un peu plus élevé. Puis en Ontario, une entreprise qui a vendu de la viande en disant que c'était du bœuf Angus, alors que ce n'était pas du tout du bœuf Angus, mais ça se vend mieux, ça se vend surtout plus cher. Oui. Ça se vend vraiment beaucoup plus cher. Ouais. Donc voilà quelques cas, mais il n'y a pas vraiment de cas qui vont avoir une atteinte sur la santé au Canada. Ou alors on n'est pas encore au courant. Ouais. Mais on se rappelle peut-être d'un cas qui avait eu un impact sur la santé, c'était du lait en Chine avec la mélamine. Oui. Donc, alors, il y avait quand même des conséquences pour la santé des nourrissons. Des décès de nourrissons, même si les inspecteurs chinois disent qu'il n'y a pas vraiment eu de décès. Mais bon, d'enfants, ils avaient dilué le lait avec de l'eau. Puis ils se sont dit, ouais, mais quand on va passer au contrôle qualité, en contrôle qualité du lait, on teste la présence de protéines. Et on le fait avec de l'azote. Donc on regarde, les protéines ont de l'azote, puis on dit, ok, si j'ai tant d'azote, ça veut dire qu'il y a tant de protéines, ça veut dire que mon lait est super bon. Puis les personnes qui fraudaient se sont dit « Oui, mais regarde, là, on a mis de l'eau, fait qu'on a beaucoup moins de protéines. Ah ouais. Donc, on va mettre une source azotée. Comme ça, ils vont détecter l'azote, puis ils vont dire « C'est un super lait. » La mélamine, c'est utilisé pour faire des tableaux blancs, pour faire des ustensiles de plastique très, très résistants. Ça n'a absolument rien à faire dans l'alimentaire, mais c'est très azoté. Fait qu'ils en ont rajouté beaucoup. Ah. Et à cause qu'ils en ont mis beaucoup, ça a fini par avoir des conséquences sur la santé. Mais il s'avère qu'on pense qu'ils le faisaient depuis des années et des années, ah ouais, à un taux plus bas. Fait que ça s'est passé complètement inaperçu. Là, c'est parce qu'ils en ont trop mis, que ça s'est vu. Non, mais des cas comme ça n'ont pas encore eu lieu au Canada. Oui, non, c'est ça. Il ne faut pas non plus effrayer non plus les gens. Non. Mais bon, quand même, on a envie de le savoir quand même quand il y a des fraudes, surtout quand il y a des conséquences sur la santé. Donc, est-ce que le gouvernement fait quelque chose pour prévenir, pour détecter les fraudes et pour les prévenir? Alors, depuis récemment, l'Agence d'inspection des aliments a pris la fraude très au sérieux. Donc, ils ont renforcé leur système d'inspection. Ils sont beaucoup plus alertes par rapport aux plaintes. Et c'est pour ça qu'on va devoir encourager tous les auditeurs qui sont avec nous que s'ils pensent avoir un doute, il faut absolument prévenir les autorités. Donc au Québec, ça se fait au MAPAC. Mais la CIA et le MAPAC ont dit, voilà, maintenant on va être beaucoup plus alerte par rapport aux plaintes des consommateurs qui sont en lien avec la fraude. Et donc ils font beaucoup plus d'inspections et ils font beaucoup plus d'analyses, entre autres sur l'huile d'olive. Je vais revenir juste sur l'inspection avant d'aller aux analyses. Les inspections, en fait, ça se fait où, à la douane ? Il y en a à la douane. Et parce que vraiment, on regarde beaucoup ce qui rentre. Ouais. Parce qu'il y a une croyance qui dit que tout ce qui est mal vient d'ailleurs. Donc, on regarde énormément ce qui rentre et on regarde aussi ce qu'il y a sur place. Donc, on va, pendant des inspections, on va regarder des critères plutôt de qualité ou de salubrité. On va avoir plus l'œil pour dire montre-moi ta traçabilité, puis t'as fait rentrer combien. Par exemple, pour un plat cuisiné, t'as fait rentrer combien de bœuf ? Ok, t'as fait rentrer tant de bœuf. Avec ce bœuf-là, t'aurais dû faire tant de plats. Puis là, t'en as fait beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, c'est donc c'est on ça. Regarde ce qui se passe dans les industries. Oui. On rentre dans les industries agroalimentaires et puis on regarde ce qui se passe. Oui, oui, vraiment beaucoup plus qu'avant. Et on a augmenté les amendes, on a augmenté les moyens par rapport à ça. Ouais. Revenons-en peut-être aux analyses. Oui, donc pour les analyses, c'est complètement gardé secret et c'est normal parce qu'on ne veut pas que les fraudeurs sachent comment on détecte la fraude parce que sinon ils vont s'y adapter et ils vont trouver d'autres moyens. À savoir que par exemple pour la dilution du lait, maintenant on n'ajoute plus de mélamine parce qu'on le sait, on ajoute de l'urée qui est une autre source de protéines. Donc à chaque fois, c'est comme pour le dopage, on sait comment les personnes vont le détecter, fait qu'on change de stratégie pour passer inaperçu. Ouais, rappelez-vous, la définition ça. De la fraude, c'est de passer inaperçu. C'est vrai. Donc, on ne sait pas comment l'agence fait ses inspections, ni le MAPAC, mais ils en font. Ils ne vont pas du tout nous dire comment ils font. Et est-ce que ces méthodes sont efficaces et suffisantes ? Il y a énormément de méthodes de détection de fraude. Alors là, il y a l'embarras du choix. Oui. Mais le problème qui se pose, c'est, par exemple, on a ne serait-ce qu'un poivron. Il peut y avoir beaucoup de fraude sur ce poivron. Est-ce qu'il vient d'un endroit particulier ? Est-ce qu'il est bio ? Donc quand vous êtes face à ce poivron-là, vous dites, qu'est-ce que je veux savoir de ce poivron ? Moi, je veux savoir s'il est fraudé. Ok, donc tu veux que je détecte ça, ça, ça, ça et ça. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de travail à faire et ça va coûter énormément d'argent. Bah, si par contre vous arrivez dans un laboratoire d'analyse et vous lui dites, je voudrais savoir si ce poivron est du Québec ou du Mexique, ça c'est beaucoup plus ciblé, donc on est capable de le faire aussi. Donc les chercheurs, dans la détection de la fraude, travaillent beaucoup à établir des profils, ce qu'on appelle des profils. Donc qu'est-ce qu'est un aliment non fraudé ? Donc on obtient des profils avec des machines comme la spectrométrie. On a des sortes de graphiques ou de codes-barres. Donc un produit non fraudé ressemble à ça. Et si on passe un produit en analyse et qu'on voit que le spectre est pas pareil, le profil est pas pareil, là on se dit ça c'est suspect. Maintenant savoir qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est une autre affaire. Ouais. Donc on sait qu'il y a un problème et là maintenant on va plus dans le sujet pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. C'est très long, c'est très coûteux. Ouais. Mais est-ce qu'on cible comme ça des aliments au hasard ou est-ce qu'on a une petite enquête et on a des doutes sur quelque chose et on va faire une analyse spécialement sur cela ou est-ce qu'on se dit bah on fait des analyses au hasard? Alors on va plutôt se centrer sur les analyses qu'on connaît puis qu'on maîtrise. Donc il y a énormément d'études qui sont faites par exemple sur l'huile d'olive, sur le miel, sur les épices où là on maîtrise complètement la façon de faire l'analyse et d'interpréter le résultat. Il y a plein de produits pour lesquels on est beaucoup moins préparé. Donc, c'est plus à l'étape de recherche et développement et de validation. Okay. Donc, par exemple, si on a du cacao, on achète du cacao en poudre. Est-ce que c'est du cacao pur ou est-ce qu'il n'y a pas une poudre qui a été mise dedans pour enrichir ce cacao et le vendre au prix du cacao alors que ce n'est pas que du cacao? Il y a certainement un chercheur qui a fait une étude là-dessus. Ouais. Donc, il a certainement produit ses résultats, publié ses résultats. Okay. Et maintenant, il faut que l'agence s'empare de ce papier, se l'approprie, vérifie que ça fonctionne avec eux et vérifie que ça fonctionne avec le cacao au Canada et savoir s'ils sont capables de détecter tout ce qu'ils veulent détecter. Ouais. C'est beaucoup d'ouvrage. Ça ressemble à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment beaucoup d'ouvrage. Ouais. Maintenant, Virginie, dites-moi, qu'est-ce que le consommateur peut faire pour éviter de se faire avoir en achetant quelque chose de frauduleux? Parce que même si ça n'a pas nécessairement d'impact sur la santé, on n'aime pas tellement ça, se faire avoir. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, quand on fait nos commissions, qui peut nous mettre la puce à l'oreille? Ça, c'est peut-être... je comprends, sur un poivron, ce n'est pas difficile, mais il y a peut-être des aliments sur lesquels il y a quelque chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Moi, ce que j'encouragerais beaucoup, c'est d'aller plus vers les produits qui sont entiers. Donc, éviter la transformation. À chaque fois qu'on transforme un produit, on a l'opportunité d'ajouter une fraude. Donc, si les consommateurs ont le temps de cuisiner, je proposerais plutôt d'aller vers des produits qui ne sont pas transformés. Donc, s'ils veulent des nuggets de poulet, d'acheter eux-mêmes le poulet, de le préparer, puis de faire la chapelure, puis de les cuire eux-mêmes. Comme ça, ils seront sûrs de ce qu'il y a dedans. Il faut rester critique. Donc là, maintenant, les auditeurs savent un peu plus sur la fraude. Si c'est trop beau pour être vrai, comme il y a vraiment une énorme promotion, puis on se dit, c'est vraiment bizarre, là. Mais évitez plutôt ces produits-là. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être que c'est faux. Ah oui. Oui. C'est parce que réellement, ça vaut pas cher. Parce que ça a peut-être été fait avec des matières premières qui n'étaient pas chères. Et si les matières premières n'étaient pas chères, c'est peut-être qu'elles étaient fraudées au début. Ouais. Mais les entreprises agroalimentaires au Canada sont prêtes à faire face à la fraude. Donc ce qu'ils font, eux, c'est ils font une analyse de tout ce qui rentre dans leur usine. Et ils se disent, pour chaque ingrédient, c'est quoi les risques? D'où vient ce produit? Où est-ce qu'il est basé, mon distributeur? Est-ce qu'il est basé aux États? Est-ce qu'il est basé au Canada? Bon, ça me paraît bien, puis je vais les visiter de temps en temps, fait que je sais comment ils travaillent. Mais si on se fournit, par exemple, dans un autre pays comme au Brésil, en Inde, je suis jamais allée les visiter, je sais pas du tout comment ils fonctionnent. Donc les entreprises vont avoir comme un drapeau rouge, puis se dire, on va peut-être changer de fournisseur pour eux autres. Donc, quand même, on est bien lotis au Canada, les entreprises font attention. Ils se sentent responsables de la fraude. Et ils ne veulent pas recevoir des ingrédients fraudés et surtout en donner aux consommateurs. Parce que pour eux, ça va avoir un impact dramatique sur leur économie aussi. Ouais. Et on ne veut pas avoir un problème de santé. Donc, mais quand même, rester alerte. Préférer les circuits courts. Donc, de la même façon qu'une entreprise va vouloir avoir la main sur ses fournisseurs, ayez la main aussi sur vos fournisseurs. Et préférez aller acheter de la viande chez le boucher, aller acheter le poisson chez le poissonnier et les légumes au marché. Moins d'intermédiaires. Le moins possible. Ça limite les risques. C'est ça. Et puis plus vous les connaissez, plus aussi vous serez capable de leur dire, il y a un produit que tu m'as vendu que je ne comprends pas ce qui s'est passé, c'est bizarre. Et là, ça va alerter la personne, dire, ok, toutes mes excuses, mais je vais aussi faire mes vérifications de mon bord. Donc, de préférer vraiment les circuits courts. Plus vous êtes proche de votre fournisseur, moins il y a d'intermédiaires, moins il y a de risques. S'il y a des doutes, si les consommateurs trouvent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il faut absolument rapporter les cas. Oui. La fraude alimentaire existe et il ne tient aussi qu'aux consommateurs de sensibiliser les autorités, de dire on en a quelque chose à faire, on veut que ce soit pas fraudé. Okay. Donc en rapportant des plaintes, les autorités vont dire ok, bon là ça fait 300 plaintes que je reçois dans le mois, il y a un problème, on va regarder puis on va mettre les sous pour. Okay. Donc le consommateur peut faire pour porter plainte, donc vu qu'on est au Québec, on fait ça auprès du ministère de l'Agriculture. Donc je vous propose juste d'aller sur une page Google puis de taper MAPAC, M-A-P-A-Q, qui est le ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie, de l'Alimentation du Québec. Plainte, la première page qui sort, c'est le formulaire à remplir pour au MAPAC. Ou vous pouvez aussi les appeler. Ouais. Donc ça va permettre aussi au MAPAC de se dire, ok, il y a une demande du consommateur, fait qu'on va écouter cette demande-là, puis on va focusser notre énergie aussi là-dessus. Il faut quand même avoir certains documents, ou on ne peut pas juste dire j'ai acheté une boîte de cacao et puis j'ai des doutes sur ce stock de cacao, sur ce lot de cacao. Il faut quand même justifier, étayer un peu notre plainte. On peut envoyer un échantillon. Ah oui ? On peut aussi envoyer des échantillons au MAPAC, leur dire moi j'ai toujours acheté ce cacao, puis il a toujours été comme ça, puis là cette fois-ci celui-là que j'ai utilisé il s'est pas dilué, ou alors là j'ai trouvé des roches ou ça se peut, la couleur était différente, je me suis cassé une dent. C'est ça, si la couleur est différente, c'est peut-être qu'il y a eu un colorant qui a été ajouté, le goût était différent, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai pas eu une dilution avec un produit moins cher, des détails comme ça, ou par exemple pour les épices, il y a beaucoup d'épices qui sont coupées avec d'autres produits moins chers. Ça arrive souvent qu'on se dise, j'ai vidé ma boîte d'épices dans mon plat, puis ça goûte toujours pas. Ça goûte rien, oui. C'est pas forcément que c'est périmé, là. C'est possible que le mélange d'épices que vous avez acheté ait été fraudé. Il était coupé avec quelque chose. C'est ça. Donc, je pense qu'on est quand même très, très, très en sécurité ici au Canada. Mais ça s'allume, c'est juste parce qu'on n'aime pas nécessairement se faire avoir là. Pas nécessairement qu'on va craindre de manger du cacao qui est pas que du cacao, mais on n'aime pas vraiment se faire avoir. Non. Et donc quand on envoie, parce qu'on a toujours l'impression, on peut avoir l'impression que quand on porte une plainte, bon, MAPAC ou autre, ça va tomber dans une boîte courriel ou que ça va rien faire du tout. Mais Virginie, vous pensez que oui, elles sont quand même accumulées, puis elles vont être lues, considérées. Oui. Et il va y avoir un suivi quelque part. S'il y a 300 plaintes sur le même lot de cacao, il y a quelqu'un qui va s'en inquiéter. C'est ça, c'est exactement ça. Puis c'est grâce à ça aussi que le MAPAC va savoir où faire ses actions. Et il va pouvoir aussi aider les entreprises agroalimentaires. Dire, attention, alerte, là on a plusieurs rapports sur ce produit-là. Ouais. Faites attention si vous vous fournissez avec ce distributeur-là, parce qu'on a eu des rapports. De consommateurs. Mais attention, je veux vraiment pas éveiller la psychose, hein. Très juste. On est au Canada, on est quand même dans un pays qui est très sécuritaire et où l'inspection est intense. Donc ce qui arrive dans notre assiette est correct et bon à la consommation, peut-être de temps en temps, mais c'est possible qu'on vous dise que ça vient du Québec alors qu'en fait ça vient pas du Québec. Ça se peut. Ça a été vu. Là, je parle en connaissance de cause parce que ça a existé. Oui, exact. Je crois qu'on va jeter un œil un peu plus attentif peut-être à ce que nous achetons maintenant. Donc, merci beaucoup, Virginie. Je rappelle que Virginie Barrère est professionnelle de recherche en analyse des risques et politique réglementaire des aliments à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels à l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci.